Alors, je fais soignante dans une résidence-service avec des personnes âgées, voire très âgées, qui sont relativement autonomes dans les actes de la vie quotidienne. On est quand même en service de soins à domicile, à l'intérieur de la résidence. Donc, on est deux aides-soignants le matin et un le soir. On fait des aides à la toilette, des accompagnements, plus des stimulations au repas. Beaucoup d'écoute aussi. On a la chance d'avoir le temps dans la structure, de pouvoir prendre le temps avec les personnes, du coup de créer un lien un peu plus profond que dans les EHPAD où il faut courir tout le temps. Donc ça c'est important, surtout pendant le confinement en fait, pour maintenir du lien avec les personnes, qu'elles gardent un lien social un petit peu, parce que c'est difficile, là, elles sont isolées. Elles n'ont pas trop le droit aux visites pour le moment, limite au maximum, vraiment que pour les aidants familiaux, les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Sinon, il y a des services qui sont coupés, des services d'aide à domicile. Du coup, c'est nous qui les reprenons sur nos plannings à nous pour ne pas laisser les personnes sans soins, sans aide à la toilette et sans lien social. Ils vivent dans les appartements. Donc là, ils sont tous confinés dans les appartements. Les parties communes, elles sont fermées. Donc le restaurant, la bibliothèque, la salle d'activité. Du coup, l'animatrice... un peu au chômage technique, on a fait d'autres tâches, mais du coup, il n'y a plus d'activité. Les repas, ils sont livrés par les agents dans chaque logement. Donc, c'est toute une réorganisation des services, avec pas mal de mesures d'hygiène, de gestes barrières, en fait, pour limiter la transmission du virus à l'intérieur de l'établissement. Comment les résidents y vivent le confinement? J'imagine, vous avez pu en discuter un peu? Oui, c'est difficile pour beaucoup, qui se retrouvent isolés. Il y en a qui ont peu de visites, qui ont peu de proches qui viennent. Et du coup, leur contact, c'est avec d'autres résidents autour. Surtout en salle de restauration ou pendant les activités, parce que c'est des personnes qui, d'elles-mêmes, ne vont pas forcément aller vers les autres. Mais qui, pendant le temps du repas ou des activités, créent plus facilement des liens. Après, c'est des personnes qui restent chez elles et qui ne voient pas beaucoup de monde à part les travailleurs. Du coup, c'est difficile. Nous, on les encourage à appeler leurs proches, pas hésiter à prendre des nouvelles, et puis avec nous, de verbaliser quand ça va pas, de s'autoriser à ressentir leurs émotions, de le dire si c'est pas facile. Vraiment qu'on reste, que tout le monde reste solidaire, que personne ne se retrouve pas trop isolé, quoi. Et pas trop pas enfermé dans leurs angoisses. Il y en a certains qui sont très, très anxieux, déjà. Une personne chez qui j'interviens tous les jours, ça fait déjà des semaines qu'elle est très très angoissée par rapport à ça. Dès qu'on tousse un petit peu, qu'on éternue, j'espère que vous n'avez pas de corona. Ça fait beaucoup stresser. Donc là, avec BFM en bout, ça ne l'aide pas. Donc on essaie de rassurer aussi les gens, de rappeler les gestes de base, toujours. Après, il y a des résidents qui sont aussi autonomes et qui continuent de se voir. On peut pas les empêcher non plus, ils sont chez eux, ils vivent en appartement, c'est des personnes adultes. On peut pas empêcher dans les immeubles certains voisins d'aller se voir aussi. Et puis c'est important, il y en a, je pense, qui peuvent vraiment pas rester seuls, vaut mieux qu'ils voient du monde. C'est face à des personnes fragiles et ça peut aller vite tomber en dépression par l'isolement, quoi. Surtout là, il fait beau, rester enfermé par ce beau temps, c'est dur pour beaucoup aussi. On a eu du mal, moi, à obtenir des masques au début, d'obtenir le port des masques. On disait que seulement si on avait des symptômes, sauf qu'on sait bien qu'il y a quand même 50% des personnes contaminées qui sont asymptomatiques. Donc on est tous potentiellement porteuses du Covid. Donc voilà, on a fait un peu pression pour pouvoir avoir des masques et travailler dans les conditions de sécurité. Vous avez fini par en avoir? Alors oui, mais avec le peu de stock qu'on a, l'infirmière, elle a pas réussi à en avoir d'autres à la pharmacie parce qu'elle avait déjà eu un lot, dont une boîte qui a été volée au sein de la résidence. Ça fait 50 masques en moins. Ça fait 50 masques en moins, oui, ça fait quelques journées de travail quand même. Du coup, on nous en donne un par jour. Donc c'est limite, on devrait en avoir deux par jour parce que c'est 4 heures qu'on a maximum le masque. C'est le temps de nous de... Voilà, c'est notre temps de travail. Moi, j'interviens pendant 4 heures le matin et 3 heures, 2h45 le soir. Dans l'idéal, il nous faudrait 2 masques. Là, c'est un par personne et par jour pour les personnels. Tu me disais l'autre fois qu'au début, vous n'étiez pas prioritaire pour avoir les masques. Tu peux raconter un peu comment ça s'est passé au début, quand vous avez commencé à demander les masques ? On nous a dit que c'était d'abord pour les infirmiers, les infirmières libérales, les infirmiers libéraux, les kinés et les médecins. Et on n'est toujours pas sur la liste de personnes considérées comme prioritaires en tant qu'aide-soignante. C'est une liste générale, hein, je crois que c'est dans les recommandations. La pharmacienne de mon quartier me l'a redit hier. On a eu des attestations d'employeurs pour qu'on puisse, nous, gérer du stock. Aller en pharmacie et demander une boîte, mais c'est pas possible, en fait, pour les aides-soignantes. Nous, comme on fait du service à domicile, on n'est pas, voilà, on dépend de l'infirmière. Donc, normalement, c'est l'infirmière de faire ce stock-là. Donc, on n'avait pas assez de stock déjà de base, hein, comme c'est une petite structure. Nous, aides-soignantes, on est sous la tutelle de l'infirmière. Du coup, on ne peut pas aller de nous-mêmes chercher des masques. Donc, c'est bien l'infirmière coordinatrice de gérer ça. Elle était allée en chercher il y a quelques semaines déjà, en prévision. Elle n'avait pas eu beaucoup de boîtes parce que la réquisition avait déjà commencé. On n'est pas prioritaire en tant que résidence senior. Dans notre lettre de soins, on avait 2-3 masques d'avance quoi, qui sont là depuis quelques temps déjà, donc j'ai pris ceux-là. L'infirmière, le premier jour, m'a dit « c'est pas la peine, il faut l'enlever ». Je lui ai expliqué quand même voilà, que je viens de l'extérieur, je prends les transports en commun, je peux éventuellement toucher des choses à l'intérieur des transports, et puis voilà, même si je fais attention, on n'est pas à l'abri. Le lendemain, au début, elle est restée butée là-dessus, on a eu plusieurs à avoir ses pressions. Donc, une agent qui a dit que si elle ne portait pas de masque, elle ne travaillerait pas. Parce qu'elle fait le service des repas en appartement, donc elle est quand même au-dessus des assiettes. Elle parle avec les résidents, donc voilà, elle est potentiellement porteuse du virus et les résidents aussi. C'est le lendemain d'annonce du confinement. Entre-temps, il y a eu des nouvelles mesures qui ont dit que quand même le personnel valait mieux qu'on porte un masque. Mais toujours pour éviter la transmission du personnel vers les résidents. Moi, je ne pensais pas que ça serait un tel fiasco sur les masques. Quoi. On était assez étonnés de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Enfin, devoir faire pression pour avoir quand même accès aux masques. Au début, on les a mis dans un lieu sécurisé suite au vol de la boîte de 50. Et l'infirmière nous les donne le matin de congoute. Après, là, on est plusieurs à être en arrêt. J'ai une collègue qui s'est mise en arrêt aussi parce qu'elle est aussi à risque. Elle fait partie des personnes à risque aussi. Donc, il faut qu'elle se protège. Donc, ce médecin l'a mise en arrêt. Pour vous, ça ne doit pas être une décision simple à prendre de s'arrêter et... Non, parce qu'on sait que les personnes ont besoin de nous, que c'est difficile pour elles de voir un turnover, de voir des personnes défiler. Voilà, on est au plus près de leur intimité, hein, qu'on fait des aides à la toilette, des soins quotidiens. C'est pas évident face à des inconnus. Donc s'il y a tous les jours une intérimaire ou un intérimaire différent qui passe, c'est difficile. Il y a d'ailleurs des résidents qui refusent d'être pris en soin par des personnes qu'elles connaissent pas. Il faut discuter avec elles et négocier pour qu'elles acceptent d'avoir de l'aide quand même, parce qu'elles ne peuvent pas rester sans aide. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide à la toilette, à l'habillage, dans la prise de médicaments. Donc ben là, ils vont devoir faire avec. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai annoncé aux résidents hier que j'allais m'arrêter un petit peu. C'est un peu triste parce que ils s'habituent à avoir des visages. Et avoir affaire à nous, on commence à bien les connaître, donc c'est difficile de les laisser. C'est pas évident. J'aime beaucoup mon travail, mais voilà, je veux pas le faire dans n'importe quelle condition non plus, quoi. Disant en rigolant qu'on était des VIP, very important pour les terres. Moi, je sais pas si c'est très, bien formulé, je sais pas comment on dit en anglais pour les terres. Mais voilà, c'est l'idée. On est là, on nous dit qu'on est important, on dit dans les médias qu'on est des héros, les gens nous remercient, mais ils ne se rendent pas compte qu'on est en première ligne. Mais bon, ça serait bien que, on soit protégés quand même.